Il n'y a plus d'arbres dans les rues et les vraies fleurs n'existent plus. On n'offre plus que des bouquets en plastique ou en papier. Le dimanche, on part en pique-nique sur du gazon synthétique et l'on écoute la musique diffusée par des oiseaux mécaniques. On nous dicte notre bonheur.